Oui, la oui, la oui, la oui, la oui. C'est la pénurie, c'est la crise, rien à mes flux, décision prise. Voyage imprévu, on fait le plein de Benz et de cheese. Et c'est parti, direction Bruxelles, Liège, Arlon. On part dans diverses discussions, car le trajet sera long, l'horizon sera long. On roule un gramme de plus de chez nous, une autre façon de se tourner les pouces et pouces. Les rapports sur l'autoroute du soleil, après 2 heures de route, on finit par apercevoir le Novotel. Nous voici le pied posé sur le bitume, du pays des vélos où la fume est coutume. Au fur et à mesure qu'on bravait les rues pavées, on pouvait suivre à la trace les odeurs de Davé. On passe au Cosborne, Mississippi, Cool Running, Lucky Time, Smokey, Smurf, Easy Going. Des baisses, la caramello, Aze et Chronique, IA, Super Pop, NLX et White Weed. Devant le tableau, chaque nom nous intrigue, on est dubitatif, mais à la vue des gens qui kiffent leur spliff, on s'active, prend une décision hâtive. Pas de soucis qualitatifs, la matière, mais ça chiffre, mais ça chiffre. Alors on prend différentes sortes pour faire en sorte de varier les saveurs douces et fortes. Une récompense après tous ces efforts, on peut remercier la Hollande de nous ouvrir ses portes. Si tous les jours tu gazes ou que tu le fais à l'occasion, si t'aimes la bonne grâce en provenance de masse, et si t'es déjà sur place avec les yeux fracasses, écoute bien ce morceau, c'est une spéciale dédicace. Si tous les jours tu gazes ou que tu le fais à l'occasion, si t'aimes bien la grâce en provenance de masse, ou si t'es déjà sur place, avec les yeux fracasses, écoute bien ce morceau, c'est une spéciale dédicace. Quand tu viens d'un pays où fumer est interdit, et que tu te retrouves parmi des papis et des mamies, des gentils pères de famille, tu commences par être surpris, puis au final tu te dis, putain ici c'est la vie. Mais les yeux lourds, encore distraits par le goût, c'est l'heure du retour, il faut que tu te secoues. La bouche sèche, alors tu te dépêches d'aller voir quand t'es bar, puis tu repars, mais pas avec la même pêche qu'au départ. Les passagers sommeillent pendant que toi en éveil, refranchis l'autoroute du soleil avec ce son dans les oreilles, en espérant que la fin du voyage se déroule à merveille, se déroule à merveille. Si tous les jours tu gazes ou que tu le fais à l'occasion, si t'aimes la bonne grâce en provenance de masse, et si t'es déjà sur place avec les yeux fracasses, écoute bien ce morceau, c'est une spéciale dédicace. Si tous les jours tu gazes ou que tu le fais à l'occasion, si t'aimes bien la grâce en provenance de masse, ou si t'es déjà sur place avec les yeux fracasses, écoute bien ce morceau, c'est une spéciale dédicace.